L'actualité à Nancy et ailleurs. Ghislain Blaise, bonjour. Bonjour. 2023 marque pour vous une année importante. Vous êtes en effet lancé un défi, participer à l'Ultra Trail du Mont Blanc qui va se dérouler fin août, début septembre. Et ce, avec un dossard solidaire au profit de l'association de la chaîne de l'Espoir. C'est un défi même à plus d'un titre, on va voir ça avec vous. Alors, expliquez-nous tout simplement en quelques mots. C'est une course qui se déroule autour du Mont Blanc, qui a une distance de 170 km avec un dénivelé positif de 10 000 mètres. Du coup, ça va monter pas mal et descendre aussi. Et en fait, j'ai décidé de parcourir avec un dossard solidaire, car moi-même atteint d'une maladie, je trouvais ça satisfaisant de faire ça pour une cause solidaire. Parlons-en, parce que ça fait une dizaine d'années maintenant que vous avez la maladie de Crohn. C'est une maladie inflammatoire. Une maladie inflammatoire du système digestif. Du coup, les symptômes, c'est une gastro au quotidien, on va dire. On est beaucoup fatigué, on va souvent aux toilettes, avec des diarrhées, des maux de ventre. Elle n'est pas guérissable, on peut la mettre en pause, mais on l'aura toujours au quotidien dans notre vie. Ça fait 10 ans que vous êtes porteur de cette maladie, et pourtant le sport, pour vous, tient une place très importante. Ça prenait déjà une place importante avant ce diagnostic, mais aujourd'hui, ça continue bien sûr. Par contre, quand je suis tombé malade, j'avais une forme sévère. Du coup, au début, j'ai vraiment arrêté le sport. Et dès que je refaisais un petit peu, sans m'en rendre compte, ça me faisait du bien au moral et pour la maladie. Et ensuite, les aléas de la vie ont fait que je suis encore bien tombé malade. Et ça a été un déclic pour ne plus revivre ça, ne plus rester dans un lit à 25 ans. Je suis resté 3-4 mois au lit. Oui. Du coup, je ne voulais plus revivre ça. J'ai eu un déclic de reprendre progressivement le sport. Jusqu'à aujourd'hui, prétendre à un dossard pour faire l'UTMB, une course mythique. Le sport aujourd'hui, c'est votre quotidien quand même. Maintenant, ça fait vraiment partie d'un équilibre de vie, surtout depuis fin de l'année 2021. Après une course que j'ai fait l'an dernier, un marathon. C'est une course que j'ai toujours voulu faire. Et suite à ça, je suis parti dans les Alpes faire une saison d'hiver. Et c'est vraiment là que je me suis mis à fond au sport et j'ai trouvé un équilibre de vie. Voilà, vous avez fait un marathon à Amsterdam, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, une chouette ville. 3h30 ? Ouais, 3h28, c'était, 3h28, c'était l'objectif atteint. J'étais super satisfait de cette course et de moi. Et votre parcours, vous le partagez aussi sur les réseaux sociaux. Je crois que vous avez une page Insta. J'ai une page Instagram que j'avais lancée pour un défi aussi. C'est là que j'ai commencé à faire des défis sportifs. C'était un tour à vélo à travers la France. Mm-hmm. Et là, je publiais quotidiennement mes étapes. Et maintenant, j'essaye de partager les courses que je fais, les courses importantes, on va dire, que je fais. Pour expliquer, un ultra trail, ça consiste en quoi ? Il y a une distance déjà assez importante, 170 km, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il parle d'ultra à partir d'une certaine distance, on va dire, je crois que c'est 80 ou 100 km, avec un dénivelé positif important. C'est des courses de longue distance, avec des ravitaux et des bases de vie tout au long de la course. Du coup, on ne court pas tout le temps. Ça nous arrive forcément de marcher dans les pentes qui sont raides. Et après, il faut s'autogérer. C'est ça que j'adore dans ce genre de course. Vous en avez déjà fait un l'année dernière à Nice, c'est ça ? La course la plus importante que j'ai fait, que j'ai fini, c'est à Nice. Mmh. Et c'était 111 km pour 5000 de dénivelé. Et c'était incroyable de finir ça. Et j'avais participé à l'Ultra Trail de Nancy, qui représentait 130 km. Mais là, j'ai abandonné, même si j'étais dans le dur. J'aurais jamais dû abandonner, ça me sert d'expérience pour la suite. Et en combien de temps on fait une centaine de kilomètres comme ça, plus de 100 kilomètres À Nice, j'ai mis longtemps, j'ai mis un peu plus de 27 heures, mais j'étais pas entraîné comme il le fallait pour ce genre de course. Mais ça, c'est un été que j'ai eu un peu capricieux, petite blessure, mais rien de grave. Mais il fallait vraiment que je fasse cette course, du coup, la fin, je l'ai vraiment fait au mental. 27 heures, c'est déjà. Oui, c'est déjà pas grand chose. Le plus rapide, il va à quelle vitesse, justement ? Sur cette course, je crois, c'était un Norvégien, il a fini en 14 heures, il me semble. 14 heures pour 100 km à pied, enfin en courant. Oui, c'est ça. Faut s'imaginer un peu. Il a pas dû beaucoup marcher, lui. Et une question de Loris, qui est en stage avec nous. Oui, alors bonjour. Comment ça se passe pendant l'Ultra Train, que ça soit au début, pendant et jusqu'à la fin ? Bonjour Loris. Quand je participe à une course, ça tombe un week-end. Et les courses de longue distance commencent en général dans la nuit ou en début de matinée. Alors, par exemple, à Nice, je suis parti en voiture. J'ai dormi dans la voiture le maximum que je pouvais. Du coup, j'ai dormi assez tôt. Et j'ai rejoint un bus qui partait, je crois, de tête à 3 heures pour rejoindre le lieu du départ. Et ensuite, on attend le bruit du pistolet. On termine les préparations et on attend le bruit. Et ensuite, c'est parti. On suit les autres, on profite. Okay. Ensuite, il y a des ravitaillements qui sont indiqués tout le long, avec des bases de vie où là on peut manger. Où, d'ailleurs, à Nice, j'ai même dormi sur la deuxième base de vie parce que j'étais vraiment HS. Puis ensuite, pour l'arrivée, voilà, on profite pleinement. Là, c'est vraiment que de la joie. Pour avoir un chiffre, combien de coureurs au départ à l'UTMB? Il me semble que c'est 2300 personnes sur l'UTMB, la course UTMB. Parce qu'après, il y a, sur la semaine, il y a 7 à 9 courses. Mais sur cette course, on est 2300. Ouais. Il limite en fait pour préserver aussi l'environnement. Et ce dossard solidaire, hein, on le rappelle, parce que c'est aussi au bénéfice de l'association La Chaîne de l'Espoir. Concrètement, le rôle de cette association, c'est pour donner un peu les mêmes chances à des enfants un peu partout dans le monde. La Chaîne de l'Espoir, elle œuvre dans le monde entier pour aider des enfants qui sont déscolarisés et surtout qui ont des problèmes de santé. Là, ce dossard solidaire servira à aider qu'un enfant habitant au Vietnam soit opéré du cœur. Et suite à ça, il pourra vivre pleinement sa vie et ses parents seront heureux. Et moi, j'espère une chose, c'est pouvoir échanger avec lui, elle ou sa famille pendant toute cette aventure. Donc vous avez lancé une page Ulule ? Oui, exact. Comment ça marche et vous en êtes où de cette collecte ? C'est une cagnotte participative, du coup, tout le monde est libre de mettre 1 euro, un peu plus. Chaque don est important. Et pour obtenir ce dossard, il fallait que je récolte 2000 euros. Et là, à l'heure actuelle, je suis à 80% de la récolte. Donc on y est presque. Ah oui, là, c'est incroyable. L'aventure, elle va bientôt commencer. Et la préparation physique pour un défi de cet ordre, c'est tous les jours, comment on s'y prépare? Je fais beaucoup de vélo, Je vais au travail à vélo. Là, au mois de janvier, je suis un peu au repos, mais sinon, je vais au travail à vélo. Du coup, c'est Dombasle-Ludre. Du coup, ça fait environ 30 km au quotidien. Et après, je vais me mettre à courir 3-4 fois par semaine sur des sentiers un peu vallonnés. J'ai rejoint un club de trail fin de l'été, là. Mm-hmm. Ça s'appelle Alter. C'est un club basé à Ludre. Et du coup, ça me permet déjà d'acquérir de l'expérience auprès des personnes autour de moi et de faire des entraînements spécifiques que je ne fais pas tout seul. Tout ce qui est fractionné, tout le travail de puissance, ça je ne le fais pas tout seul. Du coup, c'est très bien pour approfondir mon entraînement. Et ensuite, je vais faire des assouplissements et du renforcement musculaire pour être fin après. Cet accompagnement, c'est d'être suivi pour préparer un tel parcours, c'est important. D'être dans un club, ouais, je trouve, parce que comme je vous dis, j'apprends vraiment des autres. Parce que quand j'ai fait la course à Nancy, par exemple, on a des bases de vie un peu partout où qu'on peut mettre des sacs ou des affaires. Et moi, j'y suis allé, j'ai mis aucune affaire dans aucun ravitaillement. J'y suis allé avec mon petit sac et c'était une erreur parce que j'aurais bien voulu avoir une petite crème, une petite nourriture à un certain ravitaillement. Du coup, là, j'apprends vraiment des autres. Et c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est le partage. Partage, dépassement de soi, des superbes valeurs que je ne retrouvais plus. Avant, je faisais du foot, que je ne retrouvais plus là-dedans. Donc, un défi sportif, donc au bénéfice de l'association La Chaîne de l'Espoir, pour permettre à une enfant habitant au Vietnam de bénéficier de mêmes soins qu'on pourrait avoir en France. Et puis, un message aussi à travers votre défi sportif et la maladie de Crohn que vous portez. Le message que vous souhaiteriez faire passer tout simplement aux auditeurs? C'est même si on est malade, ne pas baisser les bras, parce que quand j'étais jeune, j'ai baissé les bras, j'ai arrêté le sport, alors que dès que j'en faisais, ça me faisait vraiment du bien au moral, à la santé. Et le but, c'est pas de faire des courses comme là je vais faire, parce que là maintenant c'est un plaisir personnel, mais c'est de faire une petite marche quotidienne, un petit footing, un tour de vélo, tout ce qui peut nous apporter du bien-être. Et poursuivre votre aventure, comment on fait aujourd'hui? Là ça sera sur Instagram, j'ai que ce réseau social, et c'est la page, ça s'appelle Au-delà de Crohn. Une adresse donc on retrouvera sur le site de la radio fadjet.net, et on mettra aussi un lien vers d'autres pages. D'accord. Ulule, merci beaucoup Ghislain. Ah, merci à vous de m'avoir reçu, hein. C'est super chouette comme interview. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.